Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Manu pour La Note en chantant. La Note en chantant, votre rendez-vous avec la chanson française. Alors passez votre temps libre avec les plus grandes voix de la chanson française, votre rendez-vous mensuel sur votre radio préférée. Émission du mois d'octobre, émission numéro 93. Et bien sûr, mois d'octobre, on pense forcément à Octobre Rose. Ça sera le cas. On fera quand même un petit clin d'œil à vous, mesdames, mais pas que, hein, messieurs aussi. Vous êtes concernés à hauteur de 1% suivant les statistiques. Alors, le programme va débuter et va être essentiellement féminin. Et oui, c'est pour vous, mesdames. Alors, pour commencer ce programme musical, ça sera avec une fausse note. Une fausse note, et oui, il y avait longtemps que je ne vous avais pas proposé une fausse note, il y aura un peu d'anglais. L'artiste avec lequel on va commencer, elle est d'origine jamaïcaine. C'est une chanteuse, autrice, compositrice, actrice et ancienne mannequin de la Jamaïque. Elle est née un 19 mai 1948. On l'avait pu notamment l'apercevoir dans un James Bond. Ça peut vous donner l'idée, bien sûr. Son prénom. Est-ce que je vous donne son prénom? Beverly Grace Jones. Voilà, Grace Jones, tout simplement. Je vous propose de l'écouter avec ce titre, La vie en rose. La note en chantant sur votre radio.

quitter sans m'écouter, car il n'y a rien de vrai dans ce que l'on t'a dit. Je t'en supplie, va pas comme ça. À chaque instant, chaque seconde, tu étais pour moi le seul amour. Juré fidélité, je ne t'ai jamais trahi. Un seul jour de ma vie, je t'en supplie, t'en vas pas comme ça. T'en vas pas comme ça, 1963, l'année de sortie de ce titre de Nancy Holloway. Je vous propose de continuer avec les années 60, tous les garçons et les filles de mon âge. Bien sûr, c'est Françoise Hardy, notre regrettée Françoise Hardy. Elle était née d'ailleurs un 17 janvier 1944 dans le 9e arrondissement de Paris. Elle nous a quittés le 11 juin 2024 des suites d'un cancer du larynx. La note en chantant sur votre radio. Personne ne m'aime, mais tout ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Voici pour l'un de ses titres les plus connus, hein, c'était Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles de mon âge, hein, tout simplement, on retient ce morceau, ce petit plus dans le titre qui est en réalité Tous les garçons et les filles de... Tous les garçons et les filles, tout simplement. Voilà, on continue justement avec Ta jalousie. Ah oui, et oui, vous mesdames, des fois, vous êtes jalouses aussi. Hein. Juliette Gréco, en 1971, nous interprétait donc ce titre, Ta jalousie. C'est d'où viens-tu? Lait, que fais-tu? Lait, où vas-tu? Ainsi vais-tu. Lait, t'as vu l'heure? Lait, dis-moi tout. Ces quatre fleurs, elles viennent d'où? Lait, j'ai battu la mèche oblique, l'inquisition, l'accusation, je n'en peux plus, le cœur abdique. Baisse un peu ta jalousie, elle me fait de l'ombre, imagine-toi, je n'y vois plus dans notre vie, je lui fais bien sombre, imagine-moi, que reste-t-il de notre humour, et est-ce ainsi que meurt l'amour? Les qui? Les qui t'a eu? Les qui t'a cru, les qui t'écrit. Les on t'a vu, les on m'a dit. Les sons de cloche, les mouches du coche. Tous ces espions et tous ces pions de ma vertu entre l'absence, je quand j'y pense le cœur fourbu. Baisse un peu ta jalousie, elle me fait de l'ombre, imagine-toi, je n'y vois plus dans notre vie, il était bien sombre, imagine-moi, que reste-t-il de notre humour, et est-ce ainsi que meurt l'amour, baisse un peu ta jalousie, mais oui. Voici pour Juliette, hein. Juliette Gréco, une très belle voix aussi, autre très belle voix, hein, celle de France Gall. France Gall avec un titre avec pour lequel elle s'est beaucoup investie en Afrique, Barbaka, c'est sorti en 1987. France Gall, bien sûr, représentante, hein, je dirais presque, France Gall pour ce combat sur le cancer du sein. C'est avec ce cancer du sein, que France Gall a été traitée en 1993 et elle a révélé au grand public. Elle connaît une récidive en 2015. Elle participe le 30 janvier 2017 à la cérémonie des Globes de Cristal où son spectacle Résiste reçoit le prix de la meilleure comédie musicale. Il s'agit de sa dernière apparition publique. tête. J'ai des ondes de chaleur et comme des cris de douleur qui circulent dans mes veines. Quand je marche dans ma ville, j'ai des moments qui défilent de ton pays d'ailleurs où tu meurs. J'ai des mouvements de colère sous le troisième millénaire, tout casser, tout refaire. J'ai pas manqué de courage, c'était bien trop facile te laisser en héritage. Galles. Voici pour l'un de ses grands succès de 1987 pour ce titre, Babarka. Vous écoutez La Note en chantant, l'émission dédiée à la chanson française, toute génération. Gloria Lasso prend la suite avec Toi mon démon. Ah, tiens, des démons, on va en parler tout à l'heure à la fin de l'émission, mais pour l'heure, c'est un titre de 1955 de Gloria Lasso. Toi mon démon, tu me tortures et je t'aime. Je vais parfois m'enfuir ou me révolter, mais devant toi je n'ai plus de volonté. Lorsque tes yeux me surprennent dans un frisson, je crois perdre la raison. Bien malgré moi, je suis comme un sorcelé par ta voix. Et quand tu viens te glisser dans mes bras, soudain je suis ta loi. Toi mon démon que j'adore et qui me donne mon horizon, c'est ton regard qui m'enflamme. Tu es l'amour que le ciel m'a envoyé pour qu'à mon tour je pleure d'avoir fait pleurer. Mais pour te garder, je vendrai jusqu'à mon âme et mon passé contre un seul de tes baisers. Non, ne ris pas de ce cœur qui ne bat plus que pour toi. Ne ris pas quand tu vois mon désarroi. Allons, que veux-tu de moi? Toi, mon démon, dis-moi. Autre titre faisant allusion justement à cette maladie et mise en lumière pour ce mois d'octobre, octobre rose, Clara Luciani nous chante « La grenade ». Sous mon sang là, grenade. Très très belle interprétation de Clara Luciani avec La Grenade. Je vous rappelle quand même que c'était sorti en 2018. On reste avec les voix féminines. C'est l'avant-dernière voix féminine que vous allez entendre dans l'émission de cette émission de La Note en chantant pour ce mois d'octobre. Je vous propose d'écouter Juliette Armanet avec Sauver la vie. Sauver la vie, et oui, avec les traitements, on peut sauver les vies, bien sûr. Le tout, c'est aussi de bien vous faire dépister. C'était sorti en 2022 pour ce titre de Juliette Armanet. Notre dernière artiste, Je précise bien, mademoiselle, mesdames, voici pour conclure cette page féminine, Christine and the Queen, avec rien dire. Et on le garde pour soi, si c'est le cas. Alors, on l'écoute, c'était sorti en 2022 aussi. La note en chantant sur votre radio. Si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté de moi. Mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements. J'y pense tout le temps malgré moi. Oh, ça prend. Voici pour cette page féminine, pour faire cette parenthèse sur Octobre Rose. Pour conclure l'émission, trois derniers titres ayant justement le comme thème ce 31 octobre. Vous le savez, c'est cette fête de Halloween. Halloween avec pour les démons de minuit. Avec ce titre, bien sûr, du groupe Image. Image est un groupe français, hein, vous le savez, de musique de variété. Il a connu un grand succès entre 1986 et 1988. Ses membres sont de Toulouse. Le groupe a été rejoint en 1989 par le chanteur Émile de Gold, bien sûr, je le précise, et a adopté un nouveau nom, Émile et Image. On se souvient bien sûr de ce titre de 1986 qui est leur plus grand succès. Les démons de minuit, c'est tout de suite sur votre radio. Les démons de minuit, un titre qui a été classé pendant 13 semaines en France, quand même. Je vous propose de continuer ce thème un peu avec ces trois derniers titres sur Halloween. Justement, Halloween, c'est le titre de la chanson qui arrive, sortie en 1983, Jean-Patrick Capdevielle. Voici pour Jean-Patrick, hein, JP pour les intimes, Jean-Patrick Capdevielle, Halloween. Et le tout dernier titre, et oui, il est temps pour moi de vous proposer ce dernier titre. Je vous rappelle bien sûr que vous êtes avec Manu pour La Note en chantant, votre rendez-vous mensuel avec la chanson française sur votre radio. Alors, pour ce dernier titre, je vous ai choisi Jacques Higelin. Champagne, bien sûr, on parle de sorcières, de gargouilles ou bien d'autres. Mais champagne aussi, bah, pourquoi pas, hein, c'est le dernier titre, on va célébrer ça. Peut-être un anniversaire au passage. Je dis ça, je dis rien. Allez, belle écoute, c'est tout de suite. La Note en chantant sur votre radio. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse.

merci d'être à l'écoute de l'émission La Note en chantant, votre rendez-vous mensuel sur votre radio. Et pour cette émission du mois d'octobre, vous avez pu entendre une belle partie d'ailleurs dédiée à vous mesdames, puisque ça a été que des voix féminines. Grace Jones avec La Vie en Rose, Oshi avec Ta Marinière, Nancy Holloway avec T'en vas pas comme ça, Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles, Juliette Gréco avec Ta jalousie, France Gall, Barbacar, Gloria Lasso avec Toi mon démon, Clara Luciani avec La Grenade, Juliette Armanet avec Sauver ma vie, Christine and the Queen pour ce dernier titre féminin, Rien dire. Et pour conclure l'émission, ces trois derniers titres, cette fois-ci avec des voix masculines, avec cette parenthèse sur la fête d'Halloween, Image, Les démons de minuit, Jean-Patrick Capdevielle, justement Halloween. Et nous avons conclu, et vous venez tout juste de l'entendre, Jacques Higelin avec Champagne. Voici pour cette émission numéro 93, émission de La Note en chantant. N'oubliez pas de retrouver toutes les informations sur la playlist de ce mois-ci ou les autres précédentes sur la page Facebook de l'émission La Note en chantant. Je vous propose de se retrouver tout simplement le mois prochain, au mois de novembre. Allez, belle écoute, la suite de vos programmes, tout de suite dans quelques instants, dans quelques secondes sur votre radio. Allez, ciao, bye bye, c'était Manu pour La Note en chantant.